Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Hind en Brezonnik, Kentel Perron, on est qu'à Perrugen, 491. Bonjour Henri. Bonjour Morgane. Madame Trau. Ja, n'est-ce que te glem. N'est-ce que te glem. Henri, on commence par Gerio Arvué. Ouais. Allez, c'est le printemps et en général, au printemps, tu nous proposes quelque chose de rigolo. Oui, bah c'est cette année, c'est les noms. Enfin, tous les ans, on fait les noms de chevaux. Hein. Et parce que les poulains arrivent à naître à partir de février, mars, avril, mai. Hein. Donc, ça commence par une lettre chaque année. Hein. Et donc, cette année, c'est G. Alors, l'année dernière, on avait parlé de F. Alors, cette année, c'est G. Donc, Henri va donner des idées de noms en breton pour les chevaux. En breton, parce que c'est normal que les chevaux bretons portent des noms bretons. Même les autres. Même les autres, mais enfin, le cheval breton, en tout cas. Voilà, alors j'en ai trouvé quelques-uns comme ça. Par exemple, Galoudec. Galoudec, qui veut dire puissant. C'est un nom de famille, d'ailleurs, aussi. Hein, Galoudec. Hein. Il y avait une sorcière un peu mérite qui s'appelait Galoudec, Soise Galoudec. Mais ils ne sont pas tous sorciers, je pense. Galoudec, donc puissant. Il y a Galiandec aussi, gaulois. Ouais. C'est pas mal. Hein. Mmh. Un que j'aime bien. Alors, Galoudec, j'ai dit, hein, Galoudec ou Galoudus. Hein. C'est la même chose. Hein. Voilà, puissant. De Galoud, hein, le pouvoir. Quoi. Un que j'aime bien, c'est Galoupeur. Qui est à la fois galopeur, vagabond. Voilà, et c'est ça correspond bien à un cheval, galoupeur. Hein. Voilà. Alors les galve qui veut dire un appel. Hein. Alors là, c'est par exemple, on peut mettre un nom de village derrière. Hein. On voit souvent ça dans les noms de chevaux. Hein. Galve qui est rouge, galve qui a névé. Hein. Souvent, on met le nom du village d'origine. Hein. Voilà. Alors, il y a des dérivés, hein, comme Galvadec, par exemple, qui est un mot féminin. Et Galvaden aussi, hein, c'est des dérivés, mais tout ça, ça veut dire l'appel. Hein. Gavotten. Ah, joli. Gavotten, hein, ça correspond bien. Hein. Et c'est un mot féminin, parce qu'il n'y a pas énormément hein, dans les G de mots féminins. Alors, par exemple, pour une jument, hein, Gavotten, c'est très joli. Voilà. Un que j'ai trouvé, je sais pas, c'est assez surprenant. Guerriadur. Dictionnaire. Pour un cheval savant, peut-être. Alors, on peut donner des prénoms aussi, hein. Guirec. G-I-R-E-G, hein. Guénolé aussi, Goulven, hein. Guéric aussi. Guéric. Ouais. Guéric, ouais. Voilà. Alors, Glad, G-L-A-D, qui veut dire le patrimoine. La richesse, hein, le trésor. Là aussi, c'est un peu court comme nom, mais on pourrait mettre derrière un nom de village, par exemple, hein. Le village de l'éleveur. Hein. Glenmore, pourquoi pas, hein. Glenmore. Glower, hein, celui-là est amusant. Glower, charbonnier. Hein. Voilà. Glasen qui désigne une surface verte, souvent une pelouse, hein. Voilà. Glen, alors j'ai dit Glenmore. Glen, c'est un vieux mot breton qui veut dire la terre ici-bas. Ici-bas, hein, la terre où nous sommes. D'ailleurs, Glenmore, ça venait de là, hein, la terre et la mer. Hein. Donc Glen aussi, G-L-E-2-N. Hein. Voilà. Glisse, qui est la rosée. Ouais, glisse, hein. On peut mettre Glisen aussi, hein. Un singulatif, un glisen. Hein. Voilà. Gloire. Ouais. Alors, gloire, c'est pareil, c'est à mettre avec un nom de village, par exemple, ou d'éleveur. Hein. La gloire de ceci. Et y a, dans le même genre, il y a glorieux, hein. Prétentieux. Ouais. Un cheval un peu. Oui, un peu prétentieux. Un peu marquant, oui. Guaper. Guapère, un guapère, ouais. Un farceur, c'est ça? Un farceur, ouais. Quelqu'un qui fait de l'ironie, quoi. Godel, la poche, hein. Voilà. Gouel, alors Gouel, la fête, hein. Et là, on peut mettre des choses derrière, hein. Gouel Yann, Gouel Mikkel, Voilà. Golow. Alors, ça s'écrit Goulou, la lumière. Là aussi, on peut mettre un nom de village. Hein. Goulou Kermark, hein, la lumière de Kermark, par exemple. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des éleveurs dans un village qui s'appelle Kermark. Mais enfin. Goulen, Goulen, question. Hein. Gonidec, Gonidec, hein, qui veut dire gagnant. Hein. C'est un nom de famille, c'est connu. C'est aussi très connu. Hein, le père Tudor Bresonnec s'appelait Gonidec, l'auteur du dictionnaire. Gouren, ouais, hein, Gouren, hein, bon, bien connu. Et ou Gourenor, hein, lutteur, hein, un cheval qui... Voilà. Gouris, une ceinture, hein, ça peut être... c'est un joli nom aussi. Graal, avec deux A, le trésor, hein, le fameux Graal, la recherche du Graal. Hein, voilà. Et dans le même genre, Gralon, ou Gradelon, hein, le roi Gralon. Hein. Voilà, là, on est dans la mythologie un peu. On peut mettre des noms de patelins aussi. Hein, Gronvel, par exemple. Hein, y en a pas mal. Hein. Gualarne aussi, qui est un nom de vent, une direction, le nord-ouest. Alors, avec Gual, qui veut dire trait, on aurait par exemple Gualvord, Gualvur. Hein, voilà. Dans le nom d'endroit, Guarec aussi. Hein. Alors, Guarec, c'est à la fois le nom d'un endroit et c'est le nom qui désigne l'arc. Hein. Voilà. Gueletva, le paysage. Alors, les comparatifs, hein, Guélan et Guélor. Guélor, Guélor qui veut dire meilleur. Hein. J'ai vu un chien qui s'appelait comme ça. Il n'y a pas longtemps, on avait parlé d'un chien qui s'appelait comme ça. Dans un concours de chiens. Il s'appelait Guélor. Il affichait la couleur tout de suite. Et il a gagné, d'ailleurs. Et Guélan, le meilleur. Hein. Alors, toujours dans les prénoms, Gueltas, j'avais oublié tout à l'heure, Gueltas, Gwendol. Un petit clin d'œil, Gwenedour. Ah, tu veux les dour, c'est mignon, ça. Gwenedour, hein. Voilà. Parfois, ça rime avec Trétour dans les chansons, mais non, mais on ne va pas le dire, on ne l'a pas dit. Gwener aussi, le vendredi, hein. Dans les noms de patelin, toujours. Enfin, patelin, il ne serait peut-être pas content qu'on dise patelin. Gwengam, hein. C'est la ville de Guingamp. Hein. Voilà. Gwengolo aussi, septembre. Hein. Voilà. Gwen. Gwenec, hein, le sou. Gwerus, par exemple, pour une jument, hein, une jument qu'on voudrait vraiment magnifier, quoi, hein, la Vierge de tel endroit, Gwerus. Elles sont pas faites pour rester vierges, d'ailleurs, normalement. Gwerz, la chanson. C'est, hein. Beau, ça. Ouais. C'est un beau mot, ça, Gwerz. Oui, c'est joli, oui. Des noms de métiers, comme Guyader, par exemple. Guyader, hein, G-W-I-A-D-E-R, hein, en breton. Tisserand. Un qui est marrant aussi, c'est Guidal. Guidal, un coquin. Ah ouais. Guidal. Guinis, le froment. Guirion, la vérité. Hein, voilà. Bon, ben, on a fait un peu le tour de... Il y en a d'autres, mais bon, il y en a que j'ai pas voulu prendre parce qu'ils étaient un petit peu plus tristounets. J'ai pris des noms assez gays, quoi. Ah ben voilà, quelques idées. Quelques pour idées. Des poulains et des pouliches à naître cette année... Puisque ce sera l'année des G. Voilà. Thank you. Raison Nectam, Matam, tout de suite, Henri. On va parler du blé noir? Oui, parce que j'avais envie de reparler de ça, j'en ai déjà parlé, parce que je viens de relire dans un journal que le blé noir n'est pas une céréale. Alors, le blé noir n'est pas une céréale, mais c'est une plante qui appartient à la même famille que la rhubarbe. Alors, ce qui est une phrase complètement absurde, mais ça s'est glissé dans Internet quelque part, et tout le monde reproduit cette... C'est comme ça, maintenant, les erreurs, une fois qu'elles sont lancées sur Internet, elles se propagent comme un virus, et on ne peut plus rien faire. Il faut être très méfiant par rapport à ce qui s'écrit sur Wikipédia, par exemple. Voilà, c'est une fois que c'est sur Internet, ça circule, c'est repris, parce que on parle souvent de l'indépendance des sources, hein, parce que il faut avoir plusieurs sources différentes pour retrouver une vérité, mais en fait, souvent, c'est la même source qui se propage comme ça. Et donc, alors il y a une confusion entre la classification botanique des plantes et la classification par l'usage. Le mot céréale, c'est une classification par l'usage, c'est-à-dire c'est une plante qui est utilisée pour faire de la farine avec les graines, pour l'alimentation humaine ou pour l'alimentation animale. Les céréales, là, ça vient de la déesse des moissons, qui est chez les Romains Cérès. C'est Déméter chez les Grecs, hein. Et donc, ce sont des plantes qui sont utilisées sous forme de farine. La graine est utilisée sous forme de farine. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, le blé noir rentre bien dans les céréales. Bah oui, le blé noir, c'est une céréale. Mais alors, le problème, c'est que c'est pas une graminée. Et là. Un oléagineux. Non plus. Non, c'est une céréale à part entière, hein, dont on utilise la farine pour faire différentes choses, hein. Et donc, ce n'est pas une graminée, hein, c'est une polygonacée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette confusion-là. Alors, effectivement, la plupart des céréales sont des graminées. Par exemple, le blé tendre, hein, Guinness, hein, et le blé dur, hein, qui est utilisé pour la fabrication des pâtes, par exemple, et des semoules aussi. Hein, tout ça, c'est du genre triticum. Hein, donc, il y a l'orge, hey, en breton, hein, y a un Z qu'on ne prononce pas. Enfin, en tout cas, dans le Kreisbrich, on ne le prononce pas. L'avoine tiers, le seigle zègle, le maïs, hein, voilà, les principales céréales. Alors, la farine de blé noir, alors, le blé noir, ici, on l'appelle, alors, c'est édu, hein, ici, on prononce itu, hein, et dans certaines régions, c'est guinisdu, enfin, qui est même... Tout près d'ici, hein. Ouais. À Kergrist, on dit déjà Guinness du. Hein. Voilà. Donc, avec ça, on fait des crêpes, hein, crampousitu ou crampous Guinness du. Et également, dans le pays gallo, des galettes. Hein. La galette étant plus moelleuse, hein, c'est quelque chose de très caractéristique du pays gallo. Hein. La galette saucisse, hein, bien sûr. Alors, le blé noir a été très très cultivé en Bretagne. Hein. D'ailleurs, dans toutes les maisons, il y avait un moulin à blé noir, puisque c'était quelque chose qu'on pouvait utiliser à la maison. On faisait la farine soi-même. On pouvait aller au moulin aussi, mais il y avait des moulins. Je me souviens, j'avais une grande tante à Kerléon, là, qui en avait un. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Hein. Je revois très bien un moulin à main comme ça, qui permettait de faire juste la quantité dont on avait besoin. Voilà. Et puis, parce que ça se garde pas aussi, la farine de blé noir. Oui, ça a tendance à ne pas se conserver, donc on l'a fait juste au moment où on va s'en servir. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a rectifié un petit peu les idées sur le blé noir. J'espère que l'erreur ne continuera pas à se répandre. C'est une polygonacée. C'est une polygonacée, mais c'est une céréale. Bon, merci Henri. Petras au neve Arvro, Eri. Ben, calzedra ou Evelgius, Bouervé, je dis aux ânes. Pessonné, Evelgius, des herblas, peu dur en bail, babla neve, d'auville ouézec. D'auville ouézec. Mais c'est bon, l'RL n'est que ma mesmone, hein, peu dur d'asquervi de Judéen et Pemil Seiskan ouézec. Hein, zéra 5776, galak, hein, vie de Judéen. Vie de musulman de. Et mille pères Hans Seis à Trégon, 1437 Galag, hein. Vitude Brochine et père 1006 Kan à Dozek, 5712. Ag ma VGB d'air à Gand Désirateur Républicain, VGMP de Babla, Dohanber à Wernugen, Pélarin Bad. À penser que la rite c'est comme être bénéfique mot de compte ou entre quoi moyen zo de l'art et au blaël bénéfique bon enfin vie d'omnime plus dur et de candidat que ce Christ ve comme cette zira d'ouville ruizek bon grand tom m'a besoin d'un tom zèle ou un peu de dramen et vel juste au cal se drogue ou dire autre hein mais me sera au tom autre ou avec voir et puis sa mot de vos comptes bénéfique. Wardachen la bourdouar, bon goût de rambe et béval pudeur blat ramenet, vide calze de draw, hein, vide de mort, vide de laise, vide de long de kik, hein, hag spiemeuse vos gueules en trop, vide de la bourdouar blâme, hag vide de la bourrerien douar. Wardachen de laise, zuroir vos digores d'or stal sinutra bacarès, on tombe dans les eaux mesang. Bon, mais de bon zéroir, vous dit gore, on me mestra. Ag bon zo cal, je spie quand zé, ou arrang que t'aguin vos, on drava, puis on draval, quel est vos, puis sa mot de vos comptes. Bon, l'art vez, ou isom cal, je laisse, vite bugal et brochina. Ag bon, ma treize noire, t'ay laisse deux hommes. Ouar d'acheneur politiqueres, ben blanc, ne vaut que vota de gebit. Mais t'avais fait bête un tôle trafalgar, benneken, mais hendel. Ne vaut que vota de gbé de blâme, mais de vel juste politicourien, grog de virvin, grande vota de xo de zone, un va bla ou à l'air. Vide le lac à de roue et neve, ou à regarder. Bon, plus dur, ou à regarder d'Agobert, ma personne. Il doit rouer Provence, quoi, j'ai le gosse. A gant trop bénéfine, tu changes de calz. A gant c'est, votre calz, j'ai blé, a gant c'est, pas de blâme. Bon. War d'acheneur, brésandec, pem patrug un glaçot, ou abé vote de lesen dexon, ag, zéwa zoué zuzoir, pu dur de houls ou ar symbole, oise ba, bascolage ou breis, a wa béro de droite, d'or ou neur brésandec zun, ba lasso, pézec grec ba calz de blas ou oise, hein. Ag, zézo fentuzoir, pu dur, pem plawar a trug un oaler, zo bet kinig de lezen gant Paul Molac, n'est-ce que gwal vel zunel, hag benefin e be huit d'un trao e vel kiz a custum, jacobine de n'eus ratkas de lezen de amzer de zon pel mahat, a potiez Paul Molac, oa dipit, n'a oa ket met an oa ket met daou de ze depute et breiz, ba gant me depute, n'a oa ket met Marc Le Fur a Paul Molac, a setu e be huit d'un trao. A pès aux ouézus de tout de rien de se voter des noms aux socialistes, de 107, quoi. A gansé, bon, grès de vos, puis vos nuns, un dude au cambal, il vaut grès de calze de promesse aux rois. A que, retourne de vos trubardes, des velles, qu'ils accustument. Puis vous ne comptez un temps de C, de ce qu'est les natures en présent, alors qu'elle a un breton, un zimban, un univers, un spécial, a que zo, calze de bars, ou à Histoire School, Bavro, hag jusma de zo berei calzedraou de vid d'or berze, gant mir di eskol botora. Hag arve bon zo ya zo calzedraou ou ar dachen kelenadur zo brezon, calzedraou zo de ziz ki barz, quoi. Ou ar dachen ur politiker soaz, lance des vraiment grandes vrois ou névées, hein, plus vraiment aux tristes grandes vrois et brovrances, Evit Breiz avait juste un trovnik béchange, c'est un peu dur, chan mort à Breiz, mon père département. Hag vit kalz de broio neveze, vo red kaout o nan neve. Da squares o Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne, a mon klas ko nan, houl gant un dud, pes a hand ve fe bet mat, kom se do bet eus Alkar, Alkar, pe mi war mi pet a roaz, a bon, on dra di natur vo neus vors pes a mod. Prestig vo roaz, bon, vi change, change tachen, prestig vo roaz, kan ur bob bavro, a ma trezen peus klevet war vagen ou RKB, Sylvain Roux, neus kom se de se, ben, a bad un tud eus vro, bon, se tu vo... Vos corner bob, là, sur voir vos bas Melcarès, Blanc-Meurès. Ouais, à Wismers. Ouais, à Wismers, y'a. Yeah. Ouais, l'air de bon, d'y viendrait, vos casse-pellor. Blanc, so, un déablog, en, neve, Amzor, Castelneve. Un peu dur, ouais, ben, Krog, d'Orborzé, d'Oyen, Lasso. Hag, vi championnat de son aérien, Zera, Trigue, Lasso, Boué, Bécrou, là. Jonge peus, enfin, peus que jonge, oui, ouais, Rio, Wang de Hulse, ouais, que grand, ouais. Un peu, Georges Cadouda, la Gétienne Rivoilan, pas campion, à deux en air, il y en a des opels au bruit. Bon, Trugen Lasso, avec Redzi. On déhabla, elle, Gouelaret, Blambe Vocal, je déhabla, yo. Vos combes de Tessay, de Rouer, Warnugen Visible, vos Hugen Lasso, hein, Boué Wabit, Gualzervoud, Tchernobyl. Ouais, ça y a de grise nucléaire, hein. Mais de bon hugen lasso, n'est que calzera, puis dire vraiment, moi, autres de vro, vite, quand védou à quand védou. D'un tri, visme, vos, diable à el, ouas, per hugen lasso, bah, wabid, aide, mode, bah, vota dégou, gand un front populaire, dans la garde, tout de, un du doigt beau, de, un dro de Léon Blum, de Hulsa. Zézo Pell, hein, Pelzo, boué, hein, Perugon Lasso, mi meusclev, comme de se, Alice Trip et Wanyo, on peut dire, on gande dégla Wallerze, hag, bah, tout me formi, vi j'ai comme de calz de se, peut dire, mi moi calz de formi, ou à chomba par, is agazé, ou à, blas, ou à niette vacances, vi d'orvé, chianton. Hag, mi moi au yender de mam, hez, ou à Léon Conan, y han, hez, ou à deux, de son service, de Miline Kermabil au Pélarin Mott, hag, ouais, la bourrade, bah, stall, shell, bah, Paris. Blad, yann, tant, ouais, bête vacances, ou dix, ouais, deux de, quand livré, livré, germaine, hein, ouais, deux de vacances, il devrait, ils, quand un tandem. Hag, verviens, ouais, ganté, ouais, un tandem, quoi. Huguette, me, d'interesse, bien. Bon, mais, zemeus biclev d'Alice, Alice, Pévigé, femme, il semble, bah, non, pédongan, il semble, c'est zul, Léon Conan, gontesse de zézé. À zézokos, gaftin, me zbé, bive de front populaire, à guéouan que gonde de houlsa. Ma fin misable, pélarinma de vos, redades, qui dorment raison de qu'un. Un drôle de nom de grogo, à que, bonne, besoin de l'aïba, localement, don, échio. Tramenrei de nonce, bah, très malgat. De la rue de Teig de Dremalga, d'avoir l'air de dire gris, ne dramna que blanc me bapurut, à mon oreille, ou à l'air de rostrain, bah, c'est nouveau, moyen de notre gavet, bah, très malga de, vide, rayon de ton courage d'aim. Bon. Hendel, bah, mis vouen, n'a un, vocal, je gouel, you bavro, et vel juste, vel qu'ils accustument. Mamesmo, bah, mis est, hein, plus dur, bon, bah, mis est, et vel juste, vous, Gwell un dan ou d'un vide, vide un dan spleen, gwell ficelle, vide, bah, rostren. Bah, misez, vous vivez, war you olympique, c'est n'est que bavro, hein. Bah, Rio. Ya, ya. A dit ce panthers, une eau que clé, man, de ce man. Mais comme de c'est, quoi. bah, ce n'est l'art de, skinwell, hein, bah, panthers, une, hein. Bon. À Blanc-Meurois, zo, un trop braise de Skemper Beta Castlepool. Un bon noir, zézo bandé ou tient en, misest. Non, une soin de vol et wardrobe, hein. Hallo mon, hein. Agba mis Gwengolo, vos devs glad, et vel kista custom, hein. Bavro, hag, pardon d'avoir vu l'adin, hag eveljus, ba mis heire, voir diarien evel kiz a kusnim. Ne vo koroaz, voir la rion goz, hein, pudur vek e gretin, met o vech penek, ma trezen vo gret. Blanc me vo hop do war nugen ba Marrakech, hein, blanc me zo be ba Paris, blanc vo ba Marrakech, jo roar vo komse ne betor de se. Pez non dram no ba Marrakech, vid wabed, kom se deus pez wabed ba Paris. Ba mis du, oaz vo chanche de président de stade ou unan, ne da? A zio roar vo klev kom skal se se. A de bem war nu gen evis tierzu, vo adar e gwell ne delek. Ah ba! Echu e gant eri... Ken avo? Ken digwele? Tien ar vegel, ya. Ja.